Troisième partie, un paysan arrive en ville. Je n'ai pas entendu la voix de mon correspondant. Vous avez appuyé sur le bouton? Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Vous avez bien formé le numéro? Oui, j'ai formé le numéro. Vous avez mis le jeton dans la fente? Non, je n'ai pas mis de jeton dans la fente. C'est gratuit, n'est-ce pas? Mon Dieu,